Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième numéro de Mange ton écran qui traitera aujourd'hui non pas d'un film sur Emmanuel Macron, mais bien de la série Mindhunter de Netflix et produite par David Fincher. C'est une série en 10 épisodes qui est sortie le 13 octobre et que j'ai pu regarder entièrement. Donc là ça va être ma réaction à chaud étant donné que je l'ai terminé il y a genre 20 minutes. Et vraiment c'est une série qui va marquer les esprits je pense. Alors déjà, je l'attendais depuis un long moment, en fait depuis son annonce, c'était quelque chose que j'attendais beaucoup étant donné que je suis quelqu'un qui apprécie beaucoup les séries psychologiques. Et là, là on est servi, hein, parce que là on rentre complètement dans la psychologie des tueurs en série. Alors qu'est-ce que raconte cette série? Eh bien tout simplement, ça raconte l'arrivée du profiling au FBI. Il y a l'agent Ford qui va rencontrer ensuite l'agent Tench et qui vont ensemble étudier les tueurs en série qui ont déjà été arrêtés pour ensuite permettre de retrouver plus facilement les nouveaux, entre gros guillemets, tueurs en série. Avec ça, ils auront l'aide d'une spécialiste psychologique. L'histoire tourne autour de ces trois personnages, même si on tend quand même à vraiment s'attarder sur Ford, et s'il y a des tendances que je ne pourrais pas dire ici, parce que sinon ça spoilerait, qui sont super intéressantes. Vraiment, c'est une série qui m'a beaucoup plu, de par la façon dont elle est traitée, mais aussi par sa réalisation. Après, ça peut se comprendre étant donné qu'à la réalisation il y a David Fincher. Et vraiment, ça se ressent, ça se ressent. On reconnaît le délire tueur en série de Fincher, comme dans Zodiac ou Seven. C'est vraiment la même ambiance, hein. On est vraiment pile poil dans la même ambiance. C'est quelque chose de très sombre et en même temps c'est fascinant, vraiment. Les personnages sont attachants, que ça soit Holden Ford, Bill Tench, ou la psy dont j'ai oublié le nom, mais qui est jouée par l'actrice qui joue la flic dans Fringe. Et non, on rentre vraiment dans ces personnages et on se rend compte que tout le monde est tourmenté. C'est-à-dire qu'on cherche pourquoi les tueurs ont tué, et par cette recherche, on se rend compte que les enquêteurs le sont eux aussi de leur côté, et on finit par se poser des questions dont je ne peux pas parler tout de suite, étant donné que, encore une fois, ça spoilerait, parce que tout l'intérêt de la série est là-dedans. Il y a de vraies réflexions sur les problèmes mentaux des tueurs en série, et la manière dont tout ça arrive. Est-ce que les tueurs le sont depuis leur naissance? Est-ce qu'ils le sont devenus? C'est l'une des problématiques qui est montrée dans cette série. Et vraiment, non mais vraiment, elle est vraiment très très prenante. Je vous conseillerais vraiment de la regarder. Elle est vraiment, vraiment cool, hein, franchement. Après, c'est vrai qu'il y a une chose qui est dommage, c'est que là, je ne peux pas en parler avec quelqu'un. J'aimerais beaucoup en parler avec un autre membre des Paddy Powo, mais je ne peux pas. Étant donné que j'ai des soucis de connexion, donc je vais vous uploader cet épisode en étant un peu seul. Et c'est vrai que c'est une série tellement, tellement mature, tellement psychologique, tellement pas compliquée, mais complexe dans sa narration, qu'il est assez difficile d'en parler seul. Mais il fallait vraiment que je vous en parle, étant donné que pour moi, c'est une série au-dessus de toutes les autres, en fait. Je pourrais pas dire que c'est ma série favorite, c'est pas vrai. Mais au niveau technique, on se rapproche de ce que les gens trouvent de cool dans la réalisation de Breaking Bad, trouvent de cool dans la réalisation de super films hollywoodiens. Le grain de l'image aussi est vachement sombre. C'est vrai qu'à aucun moment on est en face à des couleurs flashy. C'est vraiment la recherche du mal chez l'être humain. Je pense que c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de place pour les bons côtés de l'être humain. À aucun moment on se dit que les choses vont bien finalement. Tout est gênant. On est vraiment dans la gêne, dans... Je pense que... Ouais, on est dans le malaise du premier épisode jusqu'au dernier. Les personnages ont tous leurs problèmes, et on se pose parfois des questions sans avoir jamais de réponse. Je sais même pas s'il y aura une saison 2, mais c'est vrai que une deuxième saison serait quand même vachement cool pour explorer encore plus loin. Bah, pas ces personnages-là, mais peut-être de nouveau. Il y a un cheminement logique dans tout ça. Le questionnement, ils enregistrent les tueurs en série pendant des interrogatoires pour mieux les comprendre. Ils analysent tout ça et ça les fait. Ça joue sur la vie des enquêteurs finalement, qui se posent des questions sur eux-mêmes et sur les autres. Enfin bref, vraiment, je sais pas comment expliquer tout ça. Je me suis sans doute vachement répété et je m'en excuse. Cette vidéo est vachement courte, c'est un manche de ton écran vraiment vraiment très court, peut-être un petit peu maladroit, et je m'en excuse vraiment. J'espère que ça va quand même vous plaire et je vous conseille vivement de regarder cette série. Sauf si vous avez peur d'être dérangé, si vous avez peur du malaise, si ça vous rend mal si le sujet des tueurs en série vous rend mal, c'est pas pour vous. Certes, on ne va pas voir de meurtre, mais par contre, il y aura des dialogues, parfois des photos en noir et blanc, qui vont mettre ça, qui vont vous faire imaginer les choses. Et déjà, c'est déjà assez fort. Et c'est peut-être là tout le bon, tout ce qui est bon dans cette série, c'est que justement, tout est là, tout est réaliste, on y croit. Et on se dit que le FBI, malgré le fait que certains veulent faire des efforts dans ce sens-là, c'est pas si simple. Et en même temps, on peut se dire qu'on comprend pourquoi. Voilà. C'est-à-dire que le fait de ne pas vouloir avancer, comment dire ça? Le fait que certains ne veulent pas avancer peut se comprendre, même si le fait que d'autres veulent avancer peut se comprendre aussi. Enfin, c'est vraiment une explosion, cette série. Et jusqu'au final, qui est vraiment poignant. Vraiment. Vraiment, regardez cette série. À la limite, même si vous avez peur d'être gêné, commencez au moins avec le premier épisode. Et si le premier vous gêne, alors arrêtez tout de suite. Non, elle est vraiment cool. Regardez-la. Vraiment. C'est vachement bien. C'est du Fincher, mais du vrai, quoi. Du bon. Comme ça fait du bien de voir. Ça aurait été un court-métrage. Un court-métrage, pardon. Ça aurait été un long-métrage. Ça aurait été un problème parce qu'il aurait fallu couper plein de choses qui auraient rendu ça beaucoup moins intéressant. Et là, on est face à un film de 10 heures, étant donné qu'il y a 10 épisodes de quasiment une heure, qui est passionnant. Passionnant. Il y a de quoi binge-watcher. Vous pouvez rester la nuit complète dessus. C'est fascinant. Voilà. Je terminerai là-dessus. C'est une série fascinante. Alors, jetez-vous dessus. Allez, ciao tout le monde. Encore excusez-moi pour cette petite maladresse dans l'explication. Mais ça va de pair avec cette série. Je pense vraiment que c'est la série qui fait que je suis encore plus perdu que d'habitude. C'est quelque chose de poignant. Regardez ça. Allez, ciao tout le monde. Et merci d'avoir regardé ou écouté cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à vous abonner sur Mixcloud. À faire un petit tour sur paddypowo.fr qui va reprendre du poil de la bête. Même si ça sera différent étant donné les problèmes de connexion. Suivez-nous aussi sur Facebook et Twitter, et je vous dis à la prochaine.